D'ailleurs, dans mon jury de thèse, un professeur de Rennes 2, Vincent Genoux, que vous connaissez peut-être. Donc voilà, je suis actuellement en post-doctorat à l'Université Ligue de Bruxelles et au Fonds National de la Recherche Scientifique, et donc je réalise un travail, là, en anthropologie, donc sur ce que la nation veut dire pour Burkina Faso, en essayant d'adopter une perspective de longue durée. Donc c'est en réunissant, en fait, ces préoccupations à la fois de travail doctoral et puis de post-doc, que j'ai été amené à m'intéresser à ces questions finalement de minorité au sein de Burkina Faso. Voilà. Donc je vais peut-être entrer dans le vif du sujet. Je vais plus faire un long commentaire sur cette enveloppe premier jour. Les timbres, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est un véritable document historique en soi, pour comprendre non seulement une époque, mais justement la construction d'un territoire. En l'occurrence, là, il s'agit d'un territoire colonial qu'on appelait la Haute-Volta. La Haute-Volta, c'est le nom du pays qui accédera à l'indépendance en 1960 et qui sera débaptisé et rebaptisé en 1984 sous le capitaine Thomas Sankara. C'est un pays qui portera le nom de Burkina Faso, littéralement le pays des hommes intègres. Je pense que j'aurai probablement l'occasion d'y revenir. Très rapidement, en guise un petit peu d'introduction, vous avez sur cette enveloppe le premier jour, c'est un service postal de l'Afrique occidentale française. Vous avez une représentation d'un souverain, le souverain Nabasaga II, c'est-à-dire en fait le roi, l'un des rois d'Elossi, qui sont considérés à l'époque comme l'ethnie majoritaire de la Haute-Volta. Et c'est très intéressant parce que vous voyez les dates, 1947-1957, ça correspond aux 10 ans de la restauration de cette colonie. Cette colonie avait été supprimée en 1932 pour des raisons essentiellement économiques. Ça, c'était les conséquences de la crise mondiale de 1929 qui a eu des répercussions au sein de l'Empire français. Et donc cette suppression-là, elle a été vivement combattue par cette cour royale de Ouagadougou, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi, c'est-à-dire la cour royale des Mossi. Ouagadougou était le chef-lieu de la colonie et devenu la capitale de l'État indépendant. Mais c'était aussi la capitale d'un des plus importants royaumes Mossi. Et là, vous avez une de ces figures qui représente sur cette carte postale. Sur cette enveloppe premier jour. Alors, 1947, c'est la restauration de la Haute-Volta, donc finalement, la royauté a eu gain de cause. Et c'est célébré par, entre autres, ces services postaux, mais aussi par l'administration coloniale, dans une certaine mesure. Bon, pourquoi j'ai mis cette enveloppe-là? C'est que tout se passe comme si, finalement, la Haute-Volta, tout entière, était la chose des seuls Mossi. Alors qu'en réalité, ce qu'on voit très mal, c'est que les Mossi, en gros, c'est à l'époque, à peu près certes, la moitié de la population de la Haute-Volta de l'époque. C'est toujours le cas aujourd'hui au Burkina Faso, mais il y a 60 autres sociétés qui sont indépendantes ou qui étaient indépendantes avant la conquête coloniale les unes des autres, qui généralement ont leur langue, même si elles peuvent être apparentées linguistiquement, qui ont des religions ou des rapports à la religion qui peuvent être très différents, etc. Et ça, évidemment, à travers ce type de document, c'est complètement gommé cette pluralité-là du peuplement. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire en guise d'introduction. Toujours pour continuer une introduction que je vais essayer de faire un peu plus courte, le Burkina Faso est un pays peut-être un petit peu à part, je ne sais pas, mais en Afrique subsaharienne, parce que ça fait partie de ces pays qui n'ont pas connu de guerre civile. Ça fait partie de ces pays qui n'ont pas connu de velléité sécessionniste grave. Il n'y a pas eu finalement de régionalisme suffisamment puissant en fait pour provoquer la désintégration de l'État devenu indépendant. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour cette fierté des Voltaïques puis des Burkinabés, de se dire qu'ils sont une exception un petit peu en Afrique. Ils ont toujours su, finalement, coexister de manière relativement pacifique. Et c'est une vision, finalement, officielle de l'histoire de ce pays qui a été portée par à peu près tous les gouvernements depuis l'indépendance en 1960 jusqu'à nos jours. Et on le voit très bien, d'ailleurs, récemment. Vous savez qu'en 2014, il y a eu un coup d'État, soulèvement, pour être plus précis, populaire, un soulèvement de la rue, qui a conduit à la chute du président Blaise Compaoré, qui était au pouvoir depuis 27 ans. Ça n'a pas dégénéré en guerre civile, justement. Il n'y a pas eu d'opposition suffisamment grave ou extrêmement grave entre les différentes parties du territoire. En tout cas, c'est ce que disaient les manifestants, et c'est ce qu'a dit le gouvernement de la transition et le pouvoir actuel. Bon, j'aimerais reprendre les mots d'un historien britannique, John Lonsdale, un africaniste, qui a une très belle formule. Il dit que l'histoire, c'est l'art de gâcher la fête des autres. Et c'est un petit peu ce que je vais faire, parce que ce que j'aimerais montrer, c'est que ça, c'est une vision finalement trop consensuelle de l'histoire de ce pays. Il y a eu des tensions régionalistes. Il y a eu l'ethnicisme, ça a été quelque chose qui a pu être instrumentalisé, soit par des partis politiques, soit par des intellectuels dans ce pays. Ça a eu aussi des conséquences extrêmement importantes, même s'il est vrai, encore une fois, que cet État n'a pas éclaté. Donc, est-ce que c'est une exception? Pas véritablement, mais il faudrait essayer de comprendre finalement comment se sont données à voir ces tensions-là et pourquoi elles n'ont pas donné lieu justement à une partition de ce territoire ou une dislocation de ce territoire, y compris après l'indépendance. Donc ça fait partie des points centraux que j'aimerais discuter ici. Alors, plus précisément, il s'agit pour moi de parler d'intégration nationale, mais en la faisant remonter aux années 1920. Alors ça peut paraître étonnant, parce que vous savez que classiquement, on fait remonter le plus souvent la naissance des nations en Afrique, au moment des décolonisations, particulièrement là où il y a eu lutte, comme en Algérie par exemple, on aurait pu citer encore bien d'autres territoires. À l'époque, dans les années 1950, il n'y a pas eu de lutte pour obtenir l'indépendance en Haute-Volta. La décolonisation n'était pas vraiment le meilleur moment pour comprendre comment est né ce sentiment d'appartenir à une communauté qui épouse les frontières de l'actuel Burkina. C'est pour ça que je voudrais remonter avant. Et j'aimerais remonter à la date de création de la colonie, en 1919-1920. Voilà mon point de départ. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que les frontières coloniales, ce ne sont pas des frontières purement artificielles, en tout cas pas dans notre cas. Elles ont été coproduites, et elles ont été notamment coproduites par ces royautés Mossi dont je voudrais vous parler. C'est-à-dire que la Haute-Volta, telle qu'elle a existé, n'aurait pas existé avec la physionomie qu'elle a, celle que vous voyez là, qui correspond au Burkina Faso actuel, sans que les Kourianes n'aient eu leur mot à dire, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Ce que j'aimerais montrer également, c'est que cette coproduction de l'espace territorial colonial, et puis donc de l'État postcolonial, ça a aussi été la création de minorités. Évidemment, les minorités, elles n'existent pas en tant que telles. Elles sont produites par l'histoire, elles sont produites par des rapports de force. Le fait même d'avoir tracé ces frontières-là, ça a fait d'une société une majorité, largement démographique, au sein du territoire, et ça en a fait d'autres des minorités. Hein, vous savez, c'est tout à fait classique, en Afrique subsaharienne, des peuples ont été divisés, séparés par des frontières coloniales, d'autres non. Les Mossi n'ont pas été divisés par des frontières coloniales. Tous les autres peuples, et notamment ceux de l'Ouest, ceux de la région de Bobo, eux ont été divisés par des frontières coloniales et ont été répartis, si je puis dire, entre par exemple la Côte d'Ivoire, le Mali, donc qu'on appelait le Soudan français à l'époque, et puis la Haute-Volta. Hein. Donc c'est quelque chose que j'aimerais expliquer. Alors maintenant, pour revenir un petit peu, pour commencer à entrer dans le vif du sujet, qui sont les Mossi, hein. Je vais en dire quelques mots avec un document, évidemment. Voilà. Donc vous avez ici une carte que j'ai réalisée pour Muscavo, mais enfin ça vous permettra de situer un petit peu les choses. Les Mossi occupent ce qu'on appelle le plateau central. Donc en fait, c'est toute cette partie-là de l'actuel Burkina Faso, mais encore une fois, le Volta épousait déjà ce territoire-là. La partie centrale, et vous voyez au centre Ouagadougou, hein, Ouagadougou en Moré, qui est devenu, comme je l'ai dit, en 1920, le chef-lieu du territoire de Haute-Volta, qui a été créé à ce moment-là, et qui est devenu par la suite la capitale du Burkina Faso. Et vous voyez en orange, je ne sais pas si ça paraît très nettement, les principales populations ou sociétés qui peuplent le Burkina Faso. Moi, je vais essentiellement axer finalement mon intervention sur le cas des Mossi et puis des populations de l'Ouest, hein, c'est-à-dire notamment les Bobos. Hein, vous voyez Bobo du Lasso, qui est l'ancienne ville de Sia à l'Ouest, et puis une multitude de finalement de ce qu'on appellera ethnie, on pourra revenir sur cette terminologie-là, les Senufo, etc., qui par exemple vivent également en Côte d'Ivoire. Alors, ces Mossi, je l'ai dit, c'est une société impériale, dès l'origine. Les royaumes ont été fondés à la fin du XVe siècle, très vraisemblablement. Ils sont partis du Ghana, vous voyez le Ghana qui se situe plus au sud. Et à partir de la fin du XVe siècle, les royaumes se sont finalement essaimés dans cette partie centrale du Burkina Faso pour donner lieu à un ensemble politique qui couvre à peu près à son apogée environ 65 000 km² pour vous donner une idée. Je pense d'ailleurs pouvoir vous montrer, voilà, bon, là par exemple vous voyez le territoire colonial, hein, les frontières, et à l'intérieur, voilà l'espace qu'on appelle, que les Mossi appellent le Moro, c'est-à-dire littéralement le monde. Et vous voyez d'ailleurs que les frontières coloniales ne l'ont pas séparé. Cet espace politique-là, en réalité, est multipolaire. Il est organisé autour de plusieurs royaumes qui sont en fait indépendants les uns des autres. Mais il y a toujours eu chez les Mossi ce que Michel Izard, un anthropologue, appelle le fantasme d'unicité. C'est-à-dire cette unité qui peut-être a existé au début, mais qui a été perdue par la suite. La fête coloniale est très intéressante, parce que c'est précisément dès la conquête qu'est réactivé cet impérialisme Mossi, qui finalement n'a jamais connu de pleine réalisation avant l'arrivée des troupes françaises dans la région à la fin du XIXe siècle. Ça peut paraître complètement paradoxal, mais ce que je voudrais montrer, c'est que deux trajectoires impériales se sont croisées. Une trajectoire impériale coloniale française, et une trajectoire impériale, mais aussi et plus précisément celle de Ouagadougou. Et c'est autour finalement de cette rencontre-là que les frontières coloniales vont prendre forme, vont prendre naissance. Alors, ces deux impérialismes, ils se sont combinés, parfois sur le mode du malentendu, et même du malentendu opératoire. Ils ont été producteurs de quelque chose. Et ils ont été producteurs, dans la durée, d'une population, d'une majorité. Ça, c'est ce que j'aimerais montrer également. Alors, la question, notamment, donc, qu'on peut se poser, c'est ce qu'on entend par l'ère coloniale, lorsqu'il s'agit d'examiner les questions identitaires qui sont issues de cette rencontre de trajectoire impériale. Alors, pour commencer, j'aimerais parler de ce qu'on pourrait qualifier peut-être improprement de dosage ethnique et de création d'un territoire colonial. Comment ça s'est passé dans la région? Alors d'abord, quelques mots sur l'ethnicité. Vous savez que dans les années 80, notamment en France, il y a eu tout un ensemble de travaux pour expliquer que les ethnies ont une histoire en Afrique. On utilisait souvent ethnie, qui remplaçait souvent le mot race ou tribu, et les termes étaient pratiquement interchangeables. Et ces travaux des années 80, Gérard Prunier, Jean-Pierre Chrétien, Jean-Louis Hemsel et j'en passe d'autres, et Likam Bokolo, ont montré que les ethnies étaient construites. C'était des constructions historiques qui avaient une histoire, qui n'ont pas toujours existé. Ça, c'est le premier point. Que si une ethnie peut naître, elle peut aussi disparaître. Ou en tout cas, on peut assister à des mutations identitaires de ce type-là. Donc, mon premier point, c'est que les ethnies, en Afrique comme ailleurs, ne doivent pas être réifiées. Ensuite, j'adopte une autre approche qui est celle de Frédéric Barthes. Frédéric Barthes explique que les ethnies se comprennent mieux par la frontière entre nous et eux que parce que ces frontières renferment. Ces frontières, elles sont mouvantes. Le rapport entre nous et eux, qui peuvent être des rapports culturels, géographiques, religieux, linguistiques, etc., sont en permanence mouvants. Ces travaux-là sont extrêmement intéressants parce qu'ils ont permis de se déprendre d'une vision exotique de l'identité en Afrique à travers cette déconstruction de l'ethnie. Bien. Finalement, un autre auteur, Anthony Smith, lui va montrer que les ethnies, pas simplement en Afrique, ne sont pas le pendant anti-moderne d'autres formes d'identité. Identité, par exemple, urbaine, à l'échelle de la ville, identité nationale, à l'échelle de la nation, etc., etc. Mieux, il montre que les nations ont un cœur ethnique. Enfin, et je termine avec ces quelques petites précisions sur ce que j'entends par ethnie. Les ethnies, il y a eu tout grand de déconstruction des ethnies, finalement, a adopté une posture assez moderniste, c'est-à-dire l'idée que les ethnies sont des créations récentes. Donc on a montré que ce n'était pas des constructions primordiales, ça c'était extrêmement important, mais le travers, c'est qu'on a expliqué que finalement les ethnies, elles ne remontaient en Afrique généralement pas au-delà de la conquête coloniale. Et ça, évidemment, c'est hautement contestable, c'est ce que j'aimerais montrer là aussi. C'est qu'il faut comprendre des trajectoires historiques de plus longue durée. Bien. Alors, toutes ces précautions finalement prises, maintenant, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet et expliquer comment ce territoire colonial qui a été la Haute-Volta est né. Alors, la première chose que l'on peut dire, c'est que la conquête, en gros, de toute la région que vous voyez ici, elle a eu lieu à la fin du 19e siècle en très peu de temps. Ce sont les troupes coloniales françaises qui se sont emparées de l'espace extrêmement rapidement, en quelques années seulement. Mais après, vous savez, faire une conquête d'un territoire par les armes, ça ne veut pas dire soumettre les populations. Ça prend évidemment beaucoup plus de temps, et c'est ce qu'on appelle dans le jargon colonial la pacification. La pacification, c'est l'éradication des dernières formes de résistance. Ces résistances peuvent être passives, comme elles peuvent être actives. Au moment où éclate la Première Guerre mondiale, donc en 1914, le sentiment général, c'est que finalement, il n'y a plus de foyer de résistance. Dans toute cette région-là, la pacification est réalisée. Et cette pacification n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide des royautés Mossi. C'est-à-dire que paradoxalement, après la conquête coloniale et la défaite militaire des Mossi, ils vont participer en fait à la répression, ou plutôt à l'établissement de la paix française dans la région. Une forme de collaboration qui va être payante pour la cour royale de Ouagadougou. Au cours du premier conflit mondial toujours, il y a une guerre qui va éclater, une guerre anticoloniale. Cette guerre anticoloniale, elle va éclater dans cette région-là. Ouais, vous allez voir à quel point c'est extrêmement important pour comprendre la suite des événements. À l'époque, la Haute-Volta n'existe toujours pas. Et cette guerre anticoloniale va mobiliser un nombre considérable de soldats français. C'est en gros 100 000 km², un espace de 100 000 km² qui est insoumis, autrement dit, la pacification n'est pas terminée. Et là, on fait appel aux Mossi, aux guerriers Mossi, pour mater la rébellion avec les troupes coloniales. Ça va avoir un impact considérable. C'est quelle date, là? Alors là, c'est 1915-1916. Il va falloir au moins 2 ans pour que les troupes coloniales parviennent à redresser la situation. Donc vous avez des Mossi qui vont participer avec leurs chevaux, leurs montures, etc., à réprimer ces populations africaines de l'Ouest. Le cadeau, en quelque sorte, c'est 1918-1919, l'idée de créer un nouveau territoire en AOF qui deviendra la Haute-Volta. Le tracé des frontières de la Haute-Volta n'avait rien d'évident. Il y a eu plein de débats pour savoir, au sein de l'administration coloniale, où tracer la frontière, où établir le centre nerveux du nouveau territoire à créer, etc. Ouagadougou n'avait pas la préférence des Français parce que c'est une ville où le climat est extrêmement difficile. C'est pas très intéressant pour les Européens d'y vivre. La ville qu'aiment beaucoup les Européens pour son climat et aussi pour ses activités économiques, c'est Bobo-Dioulasso, qui est d'autant plus stratégique qu'elle est entre le Mali, le Soudan français d'époque ici, et la Côte d'Ivoire. C'est Ouagadougou qui va être retenu, en fait, en 1920. Le territoire est né sur papier en 1919, et 1920, c'est le moment où Ouagadougou est retenu pour être la capitale, si je puis dire, ou le chef-lieu du territoire de la Haute-Volta. Alors, vous imaginez que ça, c'est extrêmement important pour la cour royale de Ouagadougou, précisément. C'est-à-dire qu'on a une superposition de deux pouvoirs à Ouagadougou. Un pouvoir royal et le pouvoir colonial. Et l'un n'a pas effacé l'autre. C'est au contraire, quelque part, je dirais pas une symbiose, ce serait aller vraiment très loin, mais en fait, on a un jeu très complexe entre l'administration coloniale à l'échelle du territoire de Haute-Volta et la cour royale. Le tracé, ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le tracé de la colonie de Haute-Volta, vous voyez, hein, là vous avez en pointillé donc l'ensemble des royaumes Mossi, n'a pas scindé le Mossi en deux ou en trois. Hein, ça n'a pas eu lieu. Ça fait aussi du roi de Ouagadougou le souverain le plus important, mais ça fait des Mossi la population majoritaire. Et ça, c'était pas évident, et j'ai apporté la preuve, notamment dans ma thèse, que ça a été fait sciemment. L'objectif était de faire de ces Mossi une population majoritaire. Les frontières coloniales ont été créées, en fait, pour ça. L'idée, c'est que les Mossi, finalement, c'était des gens loyaux, civilisés, puisqu'ils étaient organisés sous forme de royauté centralisée. Plus civilisés que les populations de l'Ouest, disait-on à l'époque, qu'on disait acéphales, anarchiques. Alors qu'en fait, c'est des populations qui ont pu soulever un espace de 100 000 km² en quelques mois. Donc elles sont organisées, c'est l'évidence. Mais dans cette manière de concevoir les civilisations à l'époque, c'est évident que ce sont les états royaux qui ressemblent peut-être le plus à ce que les Français de l'époque ont connu, hein, historiquement. Les populations de l'Ouest étaient donc méprisées, en gros, pour faire très simple. Et l'idée, c'était d'accoler ces populations, cette multitude de populations-là, à une population majoritaire, la population Mossi, qui quelque part les civiliserait à leur contact. Vous voyez, c'était un petit peu ça l'idée. Alors, maintenant, cette superposition-là, elle a eu des effets extrêmement importants. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est la réactivation d'un impérialisme Mossi. Alors là, j'ai ma petite multicurseur qui est disparue, donc je vais essayer de le retrouver. Voilà. Là, vous avez... c'est simplement une image fine qui a été tournée par Jean Rouche, l'anthropologue, qui s'appelle Moro Nava. Moro Nava, c'est le titre porté par le roi de Ouagadougou, et c'est un film qui est sorti en 1957, mais en fait, pour les Mossi, le pouvoir est tout. Là, vous avez le souverain à droite, vous avez ses pages à gauche, et finalement, ce souverain que vous voyez là, c'est un petit peu Dieu sur Terre, hein, c'est une monarchie de droit divin. Et d'une certaine manière, c'est toute la société Mossi qui se considère elle-même comme une société aristocratique, au point que elle a tendance à mépriser les populations voisines, celles qu'on leur a accolées au sein du territoire de Volta. Elle les méprise parce que ces sociétés-là ne sont pas organisées sous forme de royauté précisément. Elles sont organisées sous forme de... Ce sont des sociétés lignagères, les pouvoirs n'exagèrent généralement pas plus les limites d'un village ou d'un groupe de villages. Et donc, finalement, les Mossi ont une haute conception d'eux-mêmes qui est intrinsèquement liée à leur ordre politique royal. Hein. Par exemple, le Moro, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ça veut dire le monde. Mais ça rappelle furieusement la définition du monde chez les Grecs. Hein. C'est-à-dire la vie de la cité, il y avait un ordre politique qui était là, et la civilisation, c'était ça, c'était vivre en cité, et à l'extérieur, c'était les barbares. Ben, pour les Mossi, précisément, leurs voisins sont des barbares. Hein. Et cet espace extérieur, il l'appelle Wawo. Bon, ben, c'est la brousse, c'est l'espace qui est peu marqué par la présence de l'homme. Et les populations qui les jouxtent, certaines sont des véritables viviers à esclaves à l'époque précoloniale. Donc je pense que c'est quand même très important de comprendre ça. Pour comprendre ce qui s'est passé par la suite. Alors ensuite, précisément, il y a eu la conquête coloniale, et puis progressivement, les structures coloniales se sont mises en place. Vous me permettez de faire un petit peu le yo-yo chronologique, mais pour essayer de comprendre. Et c'est la création de ce qu'on appelle le cercle. C'était avant la création de la Haute-Volta, le cercle qu'on disait du Mossi. Hein, donc là, vous voyez une carte qui date de 1909. C'est déjà le début, finalement, d'une extension de ce royaume de Ouagadougou, à travers la création de cette unité administrative qui est grande comme une préfecture française. La création de la Haute-Volta en 1919 ne fait que conforter cette place de Ouagadougou, je l'ai rappelé tout à l'heure. Bon. Et donc, Ouagadougou va devenir le centre nerveux d'un espace de plus de 270 000 km², quand le Moro, l'ensemble des royaumes aussi, ne faisait qu'à peu près 60 000 km². Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. La cour royale, c'est intéressant parce que c'est précisément dans les années 1930 qu'elle parle à nouveau d'empire. Hein, et d'empire de Ouagadougou, qui vraisemblablement n'a jamais existé. Et effectivement, sa position privilégiée au sein de Haute-Volta la confortait dans cette prétention-là. C'était pas du goût de toutes les autres populations, notamment les populations minoritaires qui souffraient non seulement de l'ordre colonial, de l'instauration de l'ordre colonial, mais de la participation de cette royauté Mossi à cet ordre colonial. C'est-à-dire que la royauté Mossi, les nobles, participaient au recrutement des tirailleurs, qu'on dira sénégalais, alors qu'en fait ils venaient d'un peu partout en Afrique française, le recrutement d'un main d'œuvre forcé, le paiement de capitation qui était un impôt d'ancien régime qui était extrêmement dur. La royauté Mossi a contribué à ça, et à l'échelle de l'Haute-Volta tout entière. Donc les inimitiés, vous voyez, elles sont nées finalement dans le cadre de cette instauration d'un ordre colonial, finalement coercitif, auquel cette royauté Mossi a finalement participé. Vous allez me dire, quel était l'objectif pour cette noblesse? C'est justement faire en sorte qu'elle puisse prétendre à son statut d'empire, ce statut qu'elle n'avait jamais véritablement acquis avant l'arrivée des troupes coloniales. Alors vous voyez les chefs qui procèdent, chef Mossi, à leur entrée en modernité. C'est eux qui sont choyés au sein de la colonie, ce sont ces chefs Mossi, et pas le chef Bogo, pas les Sénoufo, pas les Marka, pas les Burunsi, etc. Ils deviennent les principaux interlocuteurs coutumiers au sein du territoire colonial jusqu'à l'indépendance, jusqu'en 1960. Ça leur donne une position comme ça de prééminente, tout à fait évidente. Et là, vous voyez par exemple, au centre, un des principaux dignitaires de la cour royale de Ouagadougou, avec ses décorations, Légion d'honneur, etc., la plus haute distinction française, le prince, à l'époque, qui deviendra le futur roi Nabasaga II, qui figure sur l'enveloppe premier jour que je vous ai montrée. Donc ça, c'était l'exposition coloniale de Vincennes de 1931. Et ce personnage, dont je n'ai pas pu retrouver l'origine, qui est certainement à l'époque, je crois, le ministre des colonies, ça, c'est à vérifier. Mais enfin, vous les voyez à Vincennes. Ces gens-là voyagent, ils prennent l'avion. C'est des gens qui, également, au sein de leur palais, commencent à introduire le vin rouge, commencent à s'habiller avec des costumes-cravates, qu'ont leurs enfants qui fréquentent l'école des Blancs, et en particulier l'école des Pères Blancs, donc qui apprennent le français, qui vont combattre sur les différents fronts. Hein, vous voyez encore un autre exemple, ça c'est le roi Kougri, qui est devenu roi en 1957. Vous voyez la mise en scène de la modernité. Il prend l'avion, alors certes il est habillé avec un apparat qui semble être traditionnel, qui en fait n'est pas tout à fait traditionnel, et puis la passerelle Air France derrière. Donc, et ça, il n'y a que ces personnages-là qui ont été invités en France, effectivement, à rencontrer, par exemple, le ministre des colonies de l'époque, etc. Mais, drame absolu, j'espère que je suis assez clair, mais peut-être que vous pourrez préciser un peu tout ça dans les questions-réponses, mais je vous donne une vision un peu idyllique des rapports entre les Mossi et l'administration coloniale. C'est une vision qui est, c'est une histoire qui est beaucoup plus compliquée que ça, notamment parce qu'en 1932, j'étais un peu trop loin, en 1932, la colonie de Haute-Volta, je l'ai rappelé tout à l'heure, va être supprimée. Et pour les Mossi, supprimer la Haute-Volta, c'est supprimer leur chose. Comme si les autres populations n'existaient pas, comme si c'était à eux cette colonie. Pour eux, ils sont les créateurs de ce territoire-là. Et quand on leur annonce que tout ce soutien à l'ordre, l'établissement d'un ordre coercitif, tout ce soutien à ce qu'on appelait à l'époque la mise en valeur de la colonie, tout ce soutien à cette politique d'entrée en modernité coloniale, et ben tout ça, tous ces rêves-là s'effondrent. Hein. Le territoire est disloqué. Alors vous voyez, en 1932-33, toute cette partie-là va être attachée à la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de main-d'œuvre, et les Mossi sont très nombreux notamment. Toute cette partie-là va être attachée au Soudan français, à l'actuel Mali. Toute cette partie-là va être attachée au Niger. Ce qui est important, c'est que le Moro qui est là, vous comprenez, il va être scindé en deux pour la première fois depuis la conquête coloniale. C'est à ce moment-là qu'il va être scindé. Et ça, ça va être évidemment quelque chose de catastrophique pour la royauté, qui va lutter de manière extrêmement importante pour d'abord éviter la dislocation, puis une fois que cette dislocation a eu lieu, pour obtenir la restauration de l'Haute-Volta dans ses limites de 1932. Moi, j'espère que... Il y a juste une question, quel est l'intérêt de supprimer la Haute-Volta? Oui, alors ça, il y a deux intérêts. Tous les intérêts dont je peux vous parler, c'est des intérêts économiques. Le premier, c'est que ça permet de faire une économie personnelle administrative. Notamment parce que Ouagadougou, alors c'est une très bonne question que vous posez, du coup, Ouagadougou n'est plus le chef-lieu de la colonie puisqu'elle n'existe plus. Donc tout le personnel qui était en place, en poste dans la capitale, enfin le chef-lieu si vous voulez, est employé ailleurs, est réparti dans les autres territoires. Donc ça permet de libérer du personnel. Ouagadougou, à partir de 1933, n'est plus rien, parce qu'elle a été. Elle avait connu un formidable développement du temps de Volta, précisément. Mais à partir du moment où les fonctionnaires partent, c'est une ville qui devient une ville morte. Et ça, pour la cour royale, c'est une catastrophe. Parce que pour eux, c'est toujours leur capitale. La deuxième raison, c'est la main-d'œuvre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une densité qui est une des plus fortes d'Afrique occidentale, d'Afrique de l'Ouest à l'époque. C'est justement le pays Mossi. Donc en fait, ça permet au gouverneur de Côte d'Ivoire de pouvoir capter la main-d'œuvre Mossi sans avoir à négocier avec le gouverneur de la Haute-Volta, puisqu'il n'y en a plus. Parce qu'il faut bien comprendre que les rapports n'étaient pas toujours très simples entre les gouverneurs des différents territoires coloniaux. Voilà, c'est les deux raisons essentielles. Et pour le coup, je vais pas être trop long, mais pour le coup du Soudan français, il y a ce qu'on appelle l'Office du Niger, qui s'est créé en 1932 précisément à ce moment-là, qui est un vaste périmètre de culture irriguée qui nécessitait beaucoup de main-d'œuvre. Et là, on faisait aussi appel au Mossi du Nord pour justement, voilà, en tout cas, travailler sur cet office du Niger. Donc voilà. Alors, simplement pour aller un petit peu plus vite, enfin pas plus vite, pour réduire plutôt. C'est bon, hein, vous avez le temps. D'accord, très bien. Je ne vais pas vous inonder non plus de faits, et puis j'aimerais parler des autres populations que les Mossi, parce que vous allez dire que c'est moi qui suis victime de l'impérialisme Mossi. Mais simplement pour comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, d'abord pendant la Seconde Guerre mondiale, la cour royale de Mossi s'est montrée très loyale. D'abord à l'égard de la France de Vichy, puis ensuite la France libre. Hein, ça n'a pas été un problème du tout de passer de l'un à l'autre. L'important pour la royauté, c'était de dire on participe à l'effort de guerre, que ce soit pour Pétain ou pour De Gaulle, mais dans tous les cas de figure, la contrepartie, c'est qu'on veut la restauration de la Haute-Volta. Ça, c'était quelque chose d'extrêmement important. En 1945, évidemment, la guerre cesse. Les Mossi ont prouvé leur valeur au combat et leur loyauté. Et là, 1945, c'est très important dans l'Afrique française et plus généralement dans l'Empire français, c'est que c'est les premières élections. C'est la tenue des premières élections. Donc on a les premiers partis politiques qui sont autorisés en même temps que les syndicats, etc. Alors que se passe-t-il? Eh bien, la Cour royale va fonder son propre parti politique. Son parti, elle va l'appeler au départ Union de défense des intérêts de la Haute-Volta, c'est un peu long. Et en 1946, elle va appeler ça Union Voltaïque. Vous comprenez bien quel est l'objectif de ce parti, c'est obtenir la restauration de la Haute-Volta. Et le roi de Ouagadougou, aidé par la mission, je vais peut-être plus tard vous dire pourquoi, aidé par la mission catholique, va parler au nom de tous les ex-voltaïques, qu'ils soient Sénoufo, Marca, Kourounsi, Peul, Touareg, etc. Ils s'expriment au nom de tous. Et ils disent, par exemple, dans leur pétition, qu'ils veulent la réunion de la famille voltaïque. Sauf que le problème, c'est qu'il y a bien d'autres populations qui pensent que les rois Mossi n'ont pas à parler à leur place. Et même mieux, il y a des tas de gens, en tout cas des tas de sociétés qui ne veulent plus de la Haute-Volta. Parce qu'elles avaient eu à subir cette sorte d'hégémonie Mossi dont elles ne voulaient plus. En quelque sorte, la suppression du territoire colonial les avait libérées de ça. Donc elles ne veulent pas de cette restauration-là, en tout cas pas toutes. Et c'est tout le malentendu. Au même moment, 1945 toujours, alors il y a ce parti pour la reconstitution de la Volta aussi, il y en a un autre qui est extrêmement important, il s'appelle le RDA, ça c'est en 1946, le Rassemblement démocratique africain. C'est extrêmement important ce RDA, parce que c'est pas un parti territorial. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un parti qui est né au sein, qui s'exprime au sein de la Côte d'Ivoire ou du Soudan, etc. C'est un parti transterritorial. Il représente les intérêts de toutes les populations d'Afrique de l'Ouest où une section est implantée. Donc vous voyez déjà la différence d'appréciation. Un parti qu'on qualifiait à l'époque d'ethniciste, en quelque sorte pro-Mossi, mais qui s'exprime au nom du territoire voltaïque. Et puis un autre parti qui est transterritorial. D'ailleurs, la preuve, il est né à Bamako, au Mali, et il a été créé par Félix Houphouët-Boigny, que vous connaissez tous certainement, qui était le premier président de Côte d'Ivoire, et qui réunit des Soudanais, des Guinéens, etc., etc. Et alors, le RDA a un problème quand même assez important, tout au moins aux yeux de l'administration coloniale, c'est qu'il va s'apparenter au Parti communiste. Et qu'à partir de 1947 et du départ des ministres communistes du gouvernement français, et ben la lutte contre le communisme va être une priorité en Afrique occidentale française. Donc on a les effets de la guerre froide, d'une certaine manière. C'est ça qui est intéressant. Le RDA va être combattu par l'administration coloniale. L'Union voltaïque, quant à elle, c'est intéressant pour l'administration coloniale, parce qu'elle est conservatrice à leurs yeux, elle est hostile au communisme, elle est proche de la mission catholique, qui évidemment elle aussi est hostile au communisme, IORDR, etc., etc. Et en plus, ces gens-là, ils sont loyaux. Donc, la licence coloniale va appuyer l'UV, l'Union Voltaïque des Mossi, et puis en revanche, elle va combattre le RDA pour faire très vite. Et là, vous avez une bipartition de l'espace voltaïque et un jeu de donnant-donnant, c'est-à-dire clairement du chantage. La Courriade va dire, ok, vous nous donnez la restauration de notre Volta que vous nous avez promis, et nous, on va lutter contre l'RDA, on va couper sa progression dans cet espace-là. Et c'est exactement ce qui va se passer. 1947, Vincent Auriol en personne annonce la restauration de la Volta dans ses limites de 1932 pour couper le RDA, pour couper la progression du RDA, qui à l'époque était évidemment très puissant en Côte d'Ivoire, au Soudan, qui est également très fortement implanté à Bobo. Et voilà encore comment ces populations-là, politiquement, au niveau électoral, surtout en situation de minorité. Quand les Mossi se trouvent à nouveau en situation de majorité, démographiquement et électoralement parlant. Donc voilà, un petit peu la situation. Tout ça, ça se base sur une vision dichotomique du territoire au sein de l'administration coloniale. Je vous donne un extrait d'un rapport administratif de 1948, donc un an après la restauration du territoire colonial, où on peut lire que la Haute-Volta reconstituée peut se résumer, je cite, à l'existence de deux parties géographiquement différentes, deux blocs de populations très nettement séparés. À l'ouest, les populations parmi les plus anarchiques et les plus primitives de l'Afrique occidentale française, les Bobos, les Marcas, les Lobis, les Kos, les Samo. À l'est, un bloc Mossi, c'est intéressant le terme de bloc Mossi alors que j'avais montré qu'ils étaient divisés en réalité, un bloc Mossi qui, je cite toujours, serait cimenté à l'abri de toute ingérence et qui représenterait encore dans son intégrité une civilisation uniquement et proprement négro-africaine. Je ne peux pas résister au plaisir de lire la conclusion de ce rapport. Alors que nous avons vu avec la formation des États Mossi des Noirs capables de trouver eux-mêmes l'imagination et la réalisation d'une société cohérente et fortement disciplinée, apparaît avec les tribus Bobo, Lobi et Samo ce caractère important du Nord primitif, son impuissance à former des pouvoirs publics. Donc vous voyez un petit peu cette vision finalement très culturaliste mais qui ethnicise le jeu politique en même temps. Hein. Et c'est ça qui est important. C'est ce qu'ils veulent à cette époque-là les administrateurs coloniaux. Ils veulent encourager un particularisme Mossi, flatter l'orgueil, ils le disent dans les rapports, flatter l'orgueil des Mossi, en particulier du souverain de Ouagadougou. Alors clairement, c'est très intéressant de noter, et je pourrais développer ça dans les questions peut-être, mais la Cour royale ne s'est pas laissée prendre en fait à ce jeu-là. À un moment donné, elle a compris le danger que ça représentait. Elle néglige pas les autres populations en réalité à ce moment-là. Parce qu'électoralement, ce n'est pas évident que l'Union voltaïque soit dominante au sein de la Haute-Volta. Elle a besoin au contraire de trouver des accords et de faire en sorte que son parti ne soit pas le parti des seuls Mossi. Hein, alors que démographiquement, ils sont majoritaires, mais ils recherchent en fait, ils cherchent à étendre l'influence de leur parti, y compris dans l'Ouest. Donc ils ouvrent une section UV à Bobo du Lasso, par exemple. Hein, et le RDA a une section à Ouagadougou. Et même l'administration coloniale finit par comprendre, les administrateurs finissent par comprendre la dangerosité de jouer sur cette fibre ethniciste. Et par exemple, en 1949, donc un an après le précédent rapport, le gouverneur de Haute-Volta, Mourag, tente d'apaiser les esprits et déclare « Est et Ouest ne sont pas opposés irréductiblement, ni dans l'esprit, ni dans les intérêts, mais au contraire complémentaires l'un de l'autre, et les grandes données de l'histoire qui dominent la volonté des hommes se chargeront de le démontrer ». Vous avez vu à un an d'écart à quel point on peut trouver des choses complètement contradictoires dans les sources coloniales. Bien. Vous avez remarqué aussi que cette histoire d'Est et Ouest, ça nous rappelle encore une fois le concept de guerre froide. Hein, et ça, c'est intéressant. C'est qu'effectivement, on a cette bipolarisation aussi en Afrique et au sein de l'espace impérial français. Bon, pour aller un petit peu plus vite, donc je vais écouter des choses que j'ai déjà dites. Ce que j'aimerais montrer maintenant... Voilà, bon, c'est ce qui est advenu par la suite, donc à partir des années 50 jusqu'à nos jours. Alors, la question qui va se poser, c'est que dans les années 1920-1930, j'espère l'avoir montré, vous avez la naissance d'un sentiment d'appartenance territoriale. Les territoires coloniaux, ce n'était pas une simple créature administrative qui provoquait rien chez les gens. La Cour royale y était parfaitement attachée, mais les autres populations, finalement, pour elles aussi, la Haute-Volta avait une existence, y compris quand la colonie a été supprimée. À force d'en parler, même quand elle n'existait pas, à force de mettre ça sur le devant de la scène, le devant du jeu politique, le RDA parce qu'il ne voulait pas de la recréation de la Haute-Volta, l'UV parce qu'elle voulait la création de la Haute-Volta, et bien ce territoire a fini par faire sens, d'une manière ou d'une autre. Et puis ensuite, par la suite, dans les années 1947 et suivantes, il est évident qu'avec la marche vers l'autonomie, c'était à l'échelle du territoire que se jouait le jeu politique, même s'il y avait encore une tentative de créer un espace fédéral du point de vue parfaitement politique. Ensuite, autre point fondamental, c'est que non seulement il y avait un sentiment d'appartenance territoriale à la Haute-Volta qui était parfois combattu par des populations, notamment celles de l'Ouest, mais l'hypertrophie burgalaise, elle a continué d'être quelque chose d'extrêmement important au niveau politique jusqu'à nos jours. Pourquoi je parle d'hypertrophie burgalaise ? Parce qu'en gros, Ouagadougou est la ville qui va se développer le plus vite et dont la population va croître de la manière la plus importante. En gros, jusqu'aux années 70-80, Bocco du Lasso va être la capitale économique, tandis que Ouagadougou va être la capitale politique et administrative. Il va y avoir cette forme de partage des rôles pour calmer aussi peut-être un petit peu le jeu. Et puis, pour les Bobolais, c'est important parce que ça rappelle tout le passé glorieux économique de cette région de Bocco du Lasso. Mais pour autant, la population de Ouaga ne cesse de croître, et donc, pour vous donner quelques chiffres, à la fin du 19e siècle, Ouagadougou, c'est à peu près 5000 habitants. En 1960, au moment de l'indépendance, c'est 60 000 habitants. En 2012, c'est 1,6 million d'habitants. Pour vous donner un autre chiffre qui me paraît tout à fait parlant, c'est que depuis 1975, 45% de la population urbaine de ce qu'on appellera le Burkina Faso habite à Ouagadougou. Et donc, vous voyez, cette importance de Ouagadougou est donc démo aussi par la force des choses, parce que les gens, si vous êtes bobolais, par exemple, et que vous êtes muté dans la capitale parce que vous êtes fonctionnaire, vous allez apprendre la langue démo aussi. Certes, vous maîtrisez le français, mais vous allez vous acculturer d'une certaine manière. Et donc, il y a des tas de gens qui vivent à Ouagadougou, qui sont peuls, qui sont touaregs, qui sont etc., mais qui adoptent une partie de cette culture mossi. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. D'autre part, en fait, tous les soubresauts politiques les plus déterminants, il faut quand même bien le dire, c'est à Ouagadougou que ça se passe. Donc c'est le centre nerveux, pas simplement d'administration, mais y compris politique. Bien. Donc la question qui se pose, c'est celle de l'arrimage entre l'Est et l'Ouest dans le processus d'intégration nationale. Comment on fait pour créer un État-nation, une communauté nationale qui vive à l'unisson et que toutes les populations aient le sentiment, non pas de vivre sous la coupe des Mossi, mais qu'elles aient le sentiment d'appartenir à un pays qui a une identité beaucoup plus large que l'identité Mossi. C'est toute, évidemment, la difficulté à partir de l'indépendance. Cette difficulté est d'autant plus grande que certains hommes politiques ont été tentés de demander la sécession dans l'Ouest. Déjà en 1953, un certain Nasi Boni, qui est originaire de l'Ouest, avait demandé aux plus hautes administrations coloniales de l'époque la création d'un 9e territoire en Afrique occidentale française qui regroupe toute la région de Bocco du Lasso. L'administration coloniale a refusé ça. Ensuite, dans les années 1970, je vous passe les raisons exactes, c'est assez compliqué, mais à la fin des années 1970, dans le contexte des élections présidentielles de l'époque, il va y avoir à nouveau ces velléités sécessionnistes qui vont voir le jour dans l'ouest du pays, à Bocco du Lasso. En 1976, par exemple, des hommes politiques de l'Ouest vont demander l'existence d'une fédération. Que la Haute-Volta soit un État fédéral et non pas un État purement centralisé, jacobin, etc. Ces années 70 correspondent à la montée d'un discours xénophobe, anti-Mossi, à Bocco, et dans toute la région. Ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement frappant. Et l'idée, finalement, c'est que les Mossi, ils complotent, ce sont des comploteurs. Ils s'installent à Bocco du Lasso pour s'accaparer les terres. Vous savez à quel point le foncier, c'est important en Afrique, l'accès aux terres. Ils accaparent finalement toutes les places administratives, etc., etc. Et puis vous avez des graves troubles qui vont éclater dans la région de Banfora. Vous voyez Banfora ici, donc on est toujours dans l'ouest. Des graves troubles entre des bobos et des migrants aussi. Alors, les autorités de l'époque, elles essaient de faire des tournées de sensibilisation, notamment auprès des chefs de canton, les chefs dits traditionnels, afin de parvenir, je cite un extrait d'un rapport des années 70, à une suppression des mentalités de la considération ethnique et régionale. La situation est très très grave à l'époque, la question de l'unité nationale est posée. Ça n'a pas suffi. Dans les années 77 et suivantes, on va avoir toutes ces rumeurs, encore une fois, qui vont circuler sur les Mossi et des rixes qui vont éclater entre Mossi et habitants de la région. Par exemple, voilà une anecdote qui a été reportée dans un parti de l'Ouest, en janvier 1977. Elle est assez croustillante. Le taximan Sami Kambiri a été interpellé par un Mossi du nom de Moussa à mobilette qui était planté en pleine rue. Le taximan l'évita et alla garer plus loin. Moussa s'approcha du chauffeur et lui reprocha de chercher à le tamponner. Aussitôt, il empoigna Sami. Celui-ci se débattit et engagea la lutte pour terrasser Moussa par 3 fois. Après le départ de Sami, un autre Mossi survint, vociféra et déclara que Bobo appartient au Mossi, tant au commissariat, à la gendarmerie, qu'à la justice, et qu'ils feront de Bobo, dans Bobo, tout ce qu'ils veulent. Vous voyez un petit peu ce genre de rumeurs qui sont faites pour envenimer les relations entre les Mossi et les minorités de l'Ouest. L'idée finalement, c'est que les non-Mossi ne sont pas des voltaïques à part entière, ne sont pas considérés comme des voltaïques à part entière. Ces accusations-là, elles se gravent sur l'histoire que j'ai essayé de rappeler. Hein. D'abord, cette prétention, encore une fois, dans les années 70 des Mossi, à s'imposer comme les constructeurs de la nation. Hein, parce que pour les Mossi, une partie pour la Coréenne Mossi, pour être plus précis, l'acte de naissance de la Haute-Volta Burkina Faso, c'est 1947. C'est la restauration du territoire. Pour une partie des leaders politiques de l'Ouest, du RDA, c'est au contraire, c'est le moment où l'un des leurs RDA a obtenu l'indépendance du pays. Hein. Donc vous voyez un petit peu ce conflit de légitimité qui s'oppose entre les deux. Ça va très très loin. En 1977 est créé le MAO, le mouvement autonomiste de l'Ouest, avec la volonté de créer une nouvelle république, dite du Kénédougou, un ancien royaume sénoufo qui avait été fondé du 8e siècle et qui avait disparu en 1898. Ça n'aura pas lieu, ça n'aura pas de suite. À partir de 1980, la Haute-Volta est engagée dans une suite, une succession de coups d'État qui font que toutes ces questions identitaires sont gelées. La question, tout se passe ailleurs. Voilà. Alors maintenant, pour finir, vraiment quelques mots sur la situation beaucoup plus contemporaine. La première, c'est la question de la synchronisation à l'échelle du territoire national. Construire la nation, c'est vrai que c'est une communauté qui s'imagine, une communauté imaginée, comme l'a dit Benedict Anderson, mais c'est aussi une communauté temporelle. Et ce que je veux montrer rapidement, c'est que tous les pouvoirs qui se sont succédés depuis l'indépendance ont fait en sorte que les Voltaïques puis les Burkinabés vivent au même rythme, qu'ils soient Bobolais, Mossi, etc. C'était une des réponses qui a été apportée pour justement prévenir tout risque d'ethnicisme ou de sécession, je veux dire, en base régionale et ethnique. Alors c'est un gros travail qui a été fait sur la radio, sur la télévision. Alors on parle des diffusions dans toutes les langues nationales. On appelle ça les langues nationales. Donc on va diffuser les nouvelles en fulfulde, c'est-à-dire la langue des Peuls, en moré la langue des Mossi, etc. Et ça c'est dès l'indépendance que ça se fait. L'idée c'est que finalement les gens ont le sentiment d'entendre les mêmes informations au même moment, hein, et peu importe si c'est dit dans des langues différentes, hein, donc ils appartiennent à une même nation. La télévision, la Haute-Volta va être le premier pays indépendant de l'Afrique francophone à se doter de la télévision dans les années 60. Ça c'est extrêmement important pour le pouvoir également en termes d'intégration nationale. Mais leur casse-tête, c'est toujours de se dire, mais comment on va faire pour communiquer dans un pays où il y a une soixantaine de langues différentes et plusieurs sont reconnues, hein. Donc on a les nouvelles qui sont données en français, ça c'est pour les cadres, parce que le taux d'analphabétisme en français est très élevé. Et puis ensuite, on va essayer de faire des efforts pour le faire dans des langues qui soient des langues parlées par un grand nombre de gens. Le Dula, par exemple, qui est une langue qui est très parlée précisément dans l'ouest du pays. Le Fulfulde, donc comme je l'ai dit, par les Peuls, etc. Quand la révolution du capitaine Thomas Sankara va éclater, en 1983, la révolution est une révolution nationaliste. Hein, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'idée de construire une nation émotionnellement viable. Burkina Faso, le pays des hommes intègres, on prend les deux mots dans les deux principales langues du pays. L'Ouest et l'Est sont représentés à travers le nom Burkina Faso. Hein. Donc ça, c'est important. Et on rajoute même pour l'adjectif, on dit Burkinabé, hein, l'habitant du Burkina. B est un suffixe d'origine peul. Hein. Donc, encore une troisième langue qui est rajoutée pour dire que le Burkina n'est pas la chose des Mossi, c'est la chose de tous les Burkinabés. Ils doivent se sentir fiers de cette nouvelle identité. Thomas Sankara va mener une politique dite anti-féodale terrible. Son but, c'est d'humilier les chefferies Mossi et finalement de les anéantir en quelque sorte en tant que pouvoir concurrent. Et ça, les Mossi, une partie des Mossi, ça ne va pas leur plaire du tout, évidemment. Hein. Donc la question à nouveau ethnique, elle va jouer un rôle, elle va être instrumentalisée par les opposants au régime révolutionnaire. 1987, Thomas Sankara, qui est la personne que vous voyez ici, qui était lui Sinimwaga, il était métissé peu les Mossi, hein, bien, il va être assassiné en 1987 par celui qui s'appelle Blaise Compaoré, qui est tombé en 2014, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et Blaise Compaoré, lui, il a tout compris. Il s'appuie au contraire sur les Mossi, mais en même temps, il essaie de prendre à revers la capitale. Je vais essayer de m'expliquer. Il a bien compris que si Sankara est tombé, c'est parce que les Mossi lui ont fait payer le prix de sa politique anti-féodale. En fait, ce n'est pas les Mossi, c'est plutôt les royautés Mossi. Ce n'est pas dit que les sujets n'étaient pas pour certains révolutionnaires. Hein. C'est très compliqué. Mais ce qui est certain, c'est que Blaise Compaoré s'appuie sur ces royautés Mossi lui-même, il va mossifier, comme on dit, le cérémonial présidentiel. On va voir, par exemple, au milieu des années 2000, enfin, en 2005, si ma mémoire est bonne, les chefs tambourinaires royaux qui vont jouer de leurs instruments lors de la prestation de serment du président Compaoré. On va voir le président Compaoré qui va être quasiment un deuxième roi Mossi, hein, et qui en permanence va chercher l'appui des Mossi, des cours royales, pour remporter les élections. Il y a des élections quand même qui sont organisées pendant toute cette période de 1987 à 2014 pour faire simple. Mais en même temps, le problème, c'est que ça bouge à Ouagadougou. Et donc la contestation s'organise dans la capitale. Et lui, ce qu'il essaie de faire, à partir, je dirais, mais ça on peut en discuter, mais je dirais à partir de 2010 à peu près, c'est d'essayer de jouer de ce clivage entre l'Est et l'Ouest des minorités contre la majorité. C'est un jeu qui va essayer de jouer, notamment en nommant des premiers ministres originaires de l'Ouest, alors que lui-même est Mossi, et puis ensuite en choyant un petit peu ces régions de l'Ouest, en tout cas dans les médias. Donc vous allez avoir la télévision et la radio d'État, parce que c'est ça, qui vont montrer par exemple à quel point la région de Banfora est belle, à quel point la région des Cascades est importante pour le patrimoine national. Et puis on va avoir des ministres qui vont se déplacer à Bobo-Dioulasso, alors que c'est une ville qui sera abandonnée puisqu'elle a perdu son statut de capitale économique dans la période. Elle a décliné au profit de Ouagadougou. Et donc, vous avez tout ce jeu-là qui va se mettre en place. Figurez-vous qu'en 2010, quand on va célébrer les 50 ans de l'indépendance du Burkina Faso, la ville qui va être retenue pour les festivités, ce n'est pas la capitale, ce n'est pas Ouagadougou, c'est Bobo-Dioulasso qui va abriter les festivités. Et ça, c'est tout à fait symptomatique de cette stratégie de jouer l'Ouest contre l'Est. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, on va flatter un petit peu les Bobolais. Et par exemple, pour la première fois, le tirage du quotidien national, en fait pro-gouvernemental, qui s'appelle Citoyen, va avoir lieu en simultané entre Bobo et Ouaga. C'est-à-dire que pour une fois, les Bobolais vont avoir le journal en même temps que les Ouagalais, alors qu'avant, il y avait toujours un décalage entre les deux. Vous voyez un petit peu cette question de synchronisation, hein, cette tentation aussi, ou cette tentative plutôt de séduire les populations de l'Ouest. Voilà. Alors pour terminer, en quelques mots, quelques mots sur le coup d'état de la rue de 2014 et montrer un petit peu où on en est avec cette histoire entre l'Est et l'Ouest. Ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, il y a un collectif mené par deux leaders, l'un est rappeur, l'autre est un chanteur de reggae, vont créer un collectif qui s'appelle Ballet Citoyen. Ballet Citoyen, son objectif, il se disait apolitique, c'est de faire tomber le régime de Blaise, clairement. En tout cas, d'éviter que le président ne se représente en 2015 et qu'il s'accroche encore au pouvoir indéfiniment. Ce qui est intéressant, c'est que le Ballet Citoyen, ils ont tout fait pour éviter que ce soit un mouvement de la capitale, de Ouagadougou seul. Ils ont essayé de faire en sorte que, par exemple, il y ait une section solide qui soit organisée à Bobo-Dioulasso. Mais que toutes les villes, y compris les villes moyennes et les petites villes, et même les villages du pays, finalement, soutiennent le mouvement et participent au mouvement. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel, hein. Donc c'est ce qui va se passer. Ça va plutôt bien marcher. Il va y avoir des manifestations coordonnées à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Donc l'arrimage temporel, il est là. L'arrimage politique, il est là. Et ce sera suffisamment fort pour que la stratégie d'encerclement de Blaise Compaoré ne fonctionne pas. Certes, Blaise Compaoré détient tous les moyens de coercition de l'État, l'armée, la police, tout ce qu'on veut. Mais il n'est pas capable, en fait, de mater le soulèvement à la fois à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Koudougou, à Gawa, dans le Nord, etc. Vous voyez ? Donc, ça a bien marché de ce côté-là. Sauf que très rapidement, vous vous doutez peut-être de ce qui va se passer, la section Ballet Citoyen de l'Ouest va faire sécession à l'égard de Ballet Citoyen de l'Est. Et les leaders du mouvement Ballet Citoyen de Bobo-Dioulasso vont dire, voyez, c'est encore les Mossi, c'est encore les gens de Ouaga qui nous imposent les choses, quoi. Et nous, on est un mouvement, on doit être consulté absolument à part égale, hein, comme avec les autres. Et donc voilà comment le mouvement Ballet Citoyen s'est scindé en deux sur cette base Est-Ouest. Donc vous voyez comment l'histoire peut rattraper finalement les choses, y compris dans des contextes très particuliers, où les protagonistes de Ballet Citoyen, si vous voulez, sont jeunes. La plupart des gens qui ont manifesté, ils sont nés dans les années 80. Donc ils ne connaissent pas toute cette histoire de 1915-1916 que j'ai rappelée, cette histoire du rassemblement démocratique de 1946-47, cette histoire coloniale, ils ne la connaissent pas. Mais ça a encore des effets très très forts aujourd'hui. Bon, et pour finir, une petite citation d'un internaute par rapport à ce clivage interne au Ballet Citoyen entre l'Est et l'Ouest. Après tout, est-ce que c'est vraiment un clivage de type ou en tout cas qui instrumentalise la question de l'ethnicité, c'est pas évident, parce que pour cet internaute, il s'agit d'une question de tube digestif ou de mangement. Hein. L'affaire, c'est plutôt une question de captation des rentes économiques, notamment de l'opposition au régime au pouvoir. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre patience et votre attention.